Chapitre 4. L'écharpe de soie verte. Le soir, Ozad et la Huerte et Miss Eden figurèrent au programme. Le bruit du vol des diamants et de l'assassinat de la petite bonne bretonne, répandu par les journaux dans Paris, avait attiré au cirque une foule extraordinaire. L'entrée des coulisses était absolument interdite, et un agent se trouvait placé devant le couloir des loges de Miss Ida et de l'écuyère espagnole. Paulin Broquet, en surplus, avait chargé un de ses hommes de veiller sur la petite danseuse Bianca et de ne l'abandonner que quand elle serait rentrée après le spectacle chez ses parents. Rosa et Miss Eden allèrent donc à leur tour recueillir leur ample moisson d'applaudissements. Rosa de la Huerte arborait un nouveau collier de diamants et Miss Eden portait au bras gauche un large bracelet d'or. Pour la première fois, Miss Eden avait entouré son corsage de piste d'une longue écharpe de gaze de soie verte qui moulait admirablement son buste magnifique. Quand elle descendit du trapèze, après des exercices aussi étonnants que charmants, elle salua le public qui, enthousiasmé, l'acclamait follement. Tout en saluant et en envoyant selon la coutume des baisers au hasard dans la salle, Miss Eden se mit à défaire très gracieusement son écharpe de soie verte. Elle dansa, en jouant avec cette écharpe, un pas étrange, lascif et violent à la fois. Ce fut un ravissement général. Puis, tout en dansant, elle traça avec cette écharpe un dessin dans l'air et elle laissa l'écharpe retomber d'elle-même doucement à terre. L'écharpe, sur le tapis du cirque, au milieu de la piste, forma un immense Z de soie verte. Miss Eden alors se posta devant ce Z. Elle croisa ses bras, regardant de ses grands yeux brillants la salle bondée jusqu'au cintre, jetant dans tous les rangs de fauteuils, dans toutes les loges, un long coup d'œil de défi hautain, de menaces, de mépris. Lentement, elle sortit ensuite de la piste. On la rappela par des tonnerres de bravos, des acclamations folles. Elle reparut, lentement, grave, sérieuse, ayant abandonné son sourire merveilleux. De nouveau, elle jeta un regard dur et fier dans cette salle qui frémissait. Elle tendit son poing fortement crispé dans un geste de combat. Puis elle donna un coup de pied à l'écharpe et défit le Z de soie verte. Elle rattrapa au vol l'écharpe de la main gauche et, la tenant au bout du doigt, elle fit d'un air de bravade insolente le tour de la piste, traînant après elle l'écharpe comme une fumée verte. Elle sortit de piste et, malgré les rappels d'une salle en délire, elle ne voulut plus reparaître. Parmi les gens qui applaudissaient le plus se trouvaient dans une loge deux gentlemen très élégants. L'un, bel homme, portant une barbe soyeuse très noire, type espagnol ou américain du Sud, paraissait avoir 35 ou 40 ans. On le devinait robuste et solidement bâti sous son habit à la toute dernière coupe. Son compagnon, plus court, plus trapu, très élégant aussi, portait une barbe roussâtre et les cheveux roux, également très fournis, partagés sur le côté et plaqués au crâne, selon la mode américaine. Ces deux gentlemen parlaient anglais. Au-dessus de cette loge, dans le couloir, se tenait un brave homme, en costume sobre et simple de bon commerçant parisien, ou de chef de rayon déjà d'un certain âge, qui a obtenu d'un client un billet de faveur et qui vient avec un camarade de magasin ou un compagnon de café habituel passer une soirée au spectacle. Ces deux hommes, correctement vêtus d'ailleurs, l'un, le plus âgé, assez grand et bien découplé, quoique semblant légèrement voûté comme un homme de bureau, d'écriture, l'autre, trapu, large d'épaule, révélant la force, regardaient avidement la salle, ne perdait pas un coup d'œil du spectacle et semblait s'amuser énormément. Il se tenait en ce moment au-dessus de la loge occupée par les gentlemen américains, parce qu'ils se disposaient à se retirer, Miss Eden étant le dernier numéro du programme. Quand Miss Eden rentra dans les coulisses, tenant au bout du doigt son écharpe verte, les deux amis se dirigèrent vers la sortie. Devant eux passèrent les gentlemen qui venaient de revêtir leurs manteaux apportés par les ouvreuses. Les Américains, peu après, dans la rue, montèrent dans leur voiture qui attendait rangée devant le trottoir. Les deux amis firent de même, mais eux, tout bonnement, montèrent dans un fiacre de place. Ce fiacre, chose étonnante, partit sans qu'aucun des deux amis eût donné d'ordre au cocher. Et le cocher suivit le coupé qui emportait les élégants gentlemen. Coupé et voiture de police descendirent la rue Saint-Honoré et débouchèrent rue Royale. Le coupé s'arrêta devant la porte de Martins, le célèbre établissement de nuit. Les gentlemen descendirent et pénétrèrent dans l'établissement, recevant, sans y prêter attention, les saluts obséquieux des chasseurs et des grooms en dolman rouge. Ils regardèrent dans la première salle, mais sans plus s'y attarder, passèrent dans la deuxième, où des tziganes jouaient, où des minstrels faisaient leur pitrerie exotique, à la grande joie criarde et nerveuse des femmes de plaisir. Toutes les tables étaient prises, mais les deux gentlemen virent dès l'entrée un signe qu'on leur fit, qu'à une des tables leur place était réservée. Deux autres gentlemen, vêtus comme eux au Les Cry, ainsi que disent les tailleurs, se donnant des airs d'outre-manche, se tenaient à une des tables, au pied des quelques marches qui mènent à la dernière salle, et d'où il est possible de voir dans la première. Ils buvaient du champagne très gravement, en américain. Ces quatre gentlemen avaient le désir formel de ne pas être troublés dans leur entretien, car aux agaceries des belles provocantes, ils répondaient par de catégoriques refus. « Now !» Ce « now » nasillard si caractéristique des Américains. Ce qu'ils disaient devait être très intéressant, très sérieux, car tous quatre, ils se penchaient sur la table pour mieux s'entendre et ne rien perdre de leurs paroles, malgré les tziganes, les rires, les cris de fête. Le gentleman à barbe noire venant du cirque dit rapidement, promptement, à ses deux amis, auprès de qui il vint s'asseoir avec son compagnon à barbe rousse, quelques paroles. Les deux gentlemen tressaillirent, ne purent s'empêcher de manifester leur émotion. Entre eux quatre, il y eut alors une courte et vive discussion. Puis l'un d'eux se leva, et avec l'Américain aux cheveux roux, demanda son chapeau, son manteau. Tous deux quittèrent Martins, laissant les deux autres compagnons parler encore entre eux et achever le champagne. Cette scène avait été suivie attentivement par les deux bons bourgeois amateurs de cirque qui descendirent de leur fiacre après que les Américains eurent quitté leur coupé, pénétrèrent pour ainsi dire sur leur pas chez Martins. Désireux de bien finir leur soirée, les deux amis prirent place à la première des tables libres de la petite salle du fond, au-dessus des quelques marches qui y conduisent. De là, garantis, eux par le mouvement des clients, des femmes surtout qui vont au lavabo raviver un peu leur beauté, ils pouvaient, tout en buvant la classique bouteille de champagne, ne rien perdre de ce qui se passait à la table des quatre gentlemen américains au-dessous d'eux, tout près. Sans le bruit de l'orchestre, sans les hurlements des minstrels, et les cris, les rires forcés des femmes, ils eussent pu entendre leurs paroles. Maintenant le gentleman à barbe noire et son compagnon parlaient espagnol. Mais entendre ce que ces gentlemen polyglottes disaient ne semblait nullement le but de nos deux bons parisiens, car ils appelèrent le garçon, le réglèrent rapidement et se levèrent peu après le départ des deux autres gentlemen exotiques. Ils se hâtèrent vers la sortie. De la sorte, les deux parisiens se trouvèrent à peu près en même temps que les Américains sur le trottoir de Martins. Les deux Américains, ayant encore échangé quelques mots, se séparèrent. Le gentleman à barbe rousse descendit vers la place de la Concorde, l'autre monta dans le coupé de son ami et partit dans la direction de la Madeleine. Les deux amis parisiens eurent un moment d'hésitation. Le petit gros voulait se lancer sur les traces de l'Américain à barbe rousse, mais son compagnon le retint et le poussa vivement dans un fiacre qui, comme tout à l'heure celui pris devant le cirque, sans qu'on eût rien dit au cocher, se mit à rouler rapidement derrière le coupé qui emportait l'Américain. Le coupé s'arrêta devant un immeuble moderne, de belle apparence, dans le bas de la rue de Prony. Le gentleman en descendit, et pendant que le coupé, qui n'avait pas sa remise dans la maison, s'éloignait, il sonnait à la porte. La porte ne tarda pas à s'ouvrir, le gentleman entra. Mais au même moment, les deux bons bourgeois parisiens se trouvèrent aussi devant cette porte. « Ne fermez pas !» dit le plus grand. « Pardon, monsieur, nous demeurons également dans la maison. » L'Américain ne répondit rien. Il laissa ouverte la porte dont d'ailleurs avec son pied le Parisien maintenait le battant. Il s'engagea dans le grand vestibule et commença l'ascension de l'escalier sans plus se préoccuper des deux amis locataires comme lui qui rentraient de soirée à la même heure que lui. Les deux amis se mirent à monter l'escalier à leur tour, à quelques marches seulement derrière le gentleman. Ils se trouvèrent sur le palier de l'étage sur lequel donnait l'appartement de l'Américain au moment où le gentleman, ayant glissé sa clé dans la serrure, ouvrait la porte et pénétrait chez lui. À cet instant précis, le plus grand des deux paisibles bourgeois parisiens fit un bond. Comme un bolide, il entra chez le gentleman. Le deuxième fit de même et derrière lui ferma la porte à clé. Il eut un cri de surprise, de rage, des bruits de lutte, puis plus rien. Les bons bourgeois parisiens, amateurs de cirque, qui étaient Paulin Broquet et son aide fidèle Mapip, tenaient leur homme.